toi, je ne reconnais plus personne. Près de toi, je n'envie plus personne. Mais sans toi, tu vois bien que je déconne. Passe en toi toute une nuit où il y a mal d'or. Et pour te détruire, construire un sang. Est-ce pour toi que tout mon être résonne? Mais pour toi, c'est dans l'âme que les consonnes. Thank you.